Le président Jika, artisan de la réconciliation, Mokondi. Kabola bandoto mikolo yo olingina tindera yo ba cauchemar. Il était une fois dans ma vie, je me souviens de toi, Didi Kinwani. Et moi le gentleman Didi à Chicago, Leke a pepe ma samba, Mizoto et lobi Ngoza mise ya diamae. Olivier Bila. Felicae, moi c'est Arthur, Georges Bounou Telito.